Je me retournais pour découvrir quelle était cette voix. Je me retournais et voici ce que je vis. Il y avait 7 chandeliers d'or. Et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un homme. Il portait une longue tunique, une ceinture d'or qui entourait sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Oui, comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme ardente. Ses pieds étincelaient comme du bronze incandescent au sortir d'un creuset. Sa voix retentissait comme celle des grandes eaux. Dans sa main droite, il tenait 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguisée à double tranchant. Son visage était éblouissant comme le soleil quand il brille de tout son éclat. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Alors il posa sa main droite sur moi en disant « N'aie pas peur, moi je suis le premier et le dernier, le vivant. J'ai été mort et voici je suis vivant pour l'éternité. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Je viens te dire, Seigneur, Tu es le Seigneur, tu es le Sauveur. Révèle-toi, Seigneur, dans ton peuple. Révèle-toi sur la terre, Seigneur. Révèle-toi ici à Lausanne. Révèle-toi en Suisse, Seigneur. On veut voir ta gloire, ta présence, Seigneur. C'est ça qui va changer, Seigneur. C'est pas nous, mais c'est toi en nous. Et c'est toi, à travers de nous.